Force ennemie, troisième partie, chapitre 1, deuxième partie. Julien continue sans s'être aperçu de mon désarroi, de ma terreur. Tu seras traité comme un prince. Tu ne veux pas voir Adrienne? Eh bien, on s'arrangera pour que tu ne la rencontres jamais. Je suis sûre que dans moins de 3 mois, tu seras tout à fait d'aplomb et capable de veiller sur toi-même. Alors, loin de te retenir, c'est moi qui insisterai pour que tu te donnes de l'air, pour que tu voyages, pour que tu ailles, au besoin, m'attendre dans l'Inde, où je ne pourrai pas retourner avant 1 an. J'opine à tout ce qu'il propose, comme vaincue par sa bonté. Quel ignoble hypocrite je fais! Mais mon parti est pris, et bien pris. Je serais désolée de quitter vilainement le meilleur ami que je possède, mais ses projets sont trop dangereux pour moi. Au grand étonnement de Julien, je ramène la conversation sur Vasseto et ses environs. Kmoron m'y pousse et j'obéis sans difficulté. Comme je n'ai pas dit le nom de la chère petite femme si odieusement traitée par moi, comme de plus je suis bien sûre que le père Froin, quoi qu'il ait pu affirmer, se sera bien gardé de parler de l'attentat dans sa dernière lettre, je feins de me rappeler tout à coup que, parbleu, au fait, mon frère, lui aussi, connaît le pays où l'on m'a encagé. Plus sociable que moi, il aura, n'est-ce pas, Julien, fréquenté beaucoup plus de gens. Les Rofieux, du reste, voyaient pas mal de monde. Les mauvais drôles aiment généralement la société, comme tous ceux qui ont besoin de se fuir eux-mêmes. J'ai l'air de te faire, à toi aussi, un mauvais compliment. Mais tu me comprends, et tu sais que je te comprends. Ta sociabilité à toi consiste à supporter les mufles, non à les rechercher. « Oh, ne me parle pas des Rofieux !» clame Julien. « Ce sont des canailles. Ces sales bêtes ont su la date de mon retour, m'ont même écrit et ne m'ont jamais dit un mot de ce qui t'était arrivé. Je me suis brouillé avec eux. Adrienne en a été fort contrariée, mais il était trop tard pour revenir sur les termes de la lettre de sottise que je leur avais envoyée. Tiens, j'aime mieux t'avouer ce qui s'est passé. Il y a eu là-dessous toute une machination. Les Rofieux se sont, je le vois à présent, méfiés du docteur Froin et ont écrit à ma femme de ne pas me remettre les plis qui viendraient de Vasto. Je mentais tout à l'heure en te parlant de ma correspondance avec le directeur de la maison de santé. C'est Adrienne qui a correspondu en mon nom, sans me consulter. Elle l'a fait pour le bien. On lui avait prouvé que je ne devais pas te voir, que c'était horriblement dangereux pour toi dans ton état. De sorte qu'il y a fort peu de temps que j'ai su ton internement. Eh bien, et la lettre où Julien exigeait ma mise en liberté dès son arrivée. Bah, une habileté d'Adrienne pour faire patienter le père Froin et lui montrer les bons sentiments de la famille. Comment je l'ai appris? À la suite d'une scène avec ta belle-sœur, la première que nous ayons jamais eue ensemble, et que je préfère ne pas te raconter, tu comprends? Je ne t'ai dit qu'une seule chose vraie, misérable vieux menteur que je suis, à savoir que je partais ce soir pour Vasto et que j'allais démolir Froin. J'ignorais la nouvelle direction Le Lancier et les malheurs du pauvre bonhomme que je calomniais très innocemment. Me pardonneras-tu? Si je lui pardonne, la belle question. Je reconnais bien là mon vieux Julien. Il s'exaspérera le plus généreusement du monde, voudra rompre les os d'une série d'ogres réels ou imaginaires, mais ne consentira jamais à reconnaître que sa femme, l'atroce gredine, s'est montrée aussi royalement infecte dans sa haine bête et injustifiable que le Rofieux dans sa ridicule jalousie, peut-être panachée de cupidité. Kmoron a beau me harceler, répétant 20 fois de suite « Tu vois, Ton frère est comme les autres. Il est bien forcé d'admettre que ma conviction est faite et qu'il perd son temps. Il en revient bientôt à sa première idée. Alors ne te laisse pas distraire de tes projets par ces révélations sur la beauté des sentiments familiaux et dépêche-toi de savoir où tu trouveras ta princesse. Je tremble déjà de l'imprudence que j'ai commise. N'aurais-je pu attendre une absence du Coucrien pour m'informer de ce qui me tient au cœur? Mon frère n'est pas le seul qui puisse me guider dans mes recherches, et que Moreau ne s'amuse pas toujours à suivre toutes mes pensées. En tout cas, il n'eût été mis au courant de mes découvertes en inspectant ma cérébrale galerie de tableaux qu'à une époque où ces transports sauvages eussent paru presque tolérables. Oh, basse fatuité! Je suis furieux contre moi-même. Cependant, la petite victoire que j'ai remportée sur mon tourmenteur en le forçant à garder pour lui ses accusations contre mon frère me grise d'une certaine audace. On le calmera, le Kmoroun. Bon, c'est entendu, je me tiendrai tranquille, acquiesce l'homme de Koukra. Mais occupe-toi de ce qui nous intéresse. Il est trop tard pour reculer. Le mal est fait. Donc je dis à mon frère, « Te pardonner, tu veux rire, tu es un trop bon garçon, parlons d'autre chose. » Et du ton dont je demanderais un renseignement commercial, j'ai pu étudier, chez Roffieux, la diction des plus éminents industriels et négociants cauchois. Je laisse hors de propos tomber ces insignifiantes petites phrases. À propos, tu as dû rencontrer jadis chez Elzéar un certain Letellier. Il est sur le point de se faire nommer député de la 9e circonscription de Dieppe, élection partielle. J'aurais besoin de le voir. Oh, rien de sérieux. Une affaire de débit de tabac qui traîne depuis l'époque de mon incarcération. Quel homme est-ce ? Un animal. Il y a des années que je ne l'ai plus rencontré, et ce n'est pas chez Elzéar que j'ai fait sa connaissance. Roffieux et lui ne se voient pas. On m'a dit qu'il s'était marié et rendait sa femme assez malheureuse. Mais quand tu dis qu'il est sur le point d'être élu député, ta chronologie est en défaut. Il y a plus de 6 mois qu'il escalade à chaque minute la tribune de la Chambre et fait le désespoir du gouvernement qu'il prétend soutenir. Un obstructionniste de premier ordre. Il est terrible dans les questions coloniales. On a déjà raconté que le ministère, pour s'en débarrasser, va le transformer en gouverneur de possession lointaine. Son adresse est évidemment dans le bottin. Mon frère va chercher le gros volume, puis feuillette. Tiens, 750 Boulevard des Invalides. Je vais t'accompagner jusque-là, si tu veux. Ah non, par exemple. Julien m'a déjà proposé de sortir avec moi. C'est parfait. Je profiterai justement de cette excellente idée pour disparaître au coin d'une rue, dans un passage, dans un remous de foule. Plus tard, j'irai seul jusqu'au boulevard des Invalides et à quelque heure impossible, à une heure où mon frère ne pensera pas pouvoir m'y retrouver. Mais que s'est-il passé dans ma pauvre tête? Je confonds tout à présent. Il y a pour moi des semaines qui durent des siècles et des mois qui filent comme des journées. Je me suis trompée de 6 mois dans mes calculs. Et qu'ai-je appris encore? Irène est malheureuse, comme je le craignais. Que faire? Ah, je vais l'enlever, décidément. Il n'y a pas d'autre solution. Julien se lève, allume un cigare, prend son chapeau, ses gants et sa canne, et me conduit à un grand magasin où je me redéguise en demi-civilisé. Puis nous flânons une heure ou deux en compagnie d'un Suédois, d'un Japonais et enfin d'un Bulgare, qui sont, paraît-il, les 3 seuls vrais Parisiens que l'on puisse rencontrer aujourd'hui entre le faubourg Montmartre et le rond-point des Champs-Élysées. Je commence à désespérer de m'échapper. Il n'y a pas de foule, pas le moindre embarras de voiture. Les passages sont relativement déserts. Vers 5 heures, Julien me déclare qu'il est bien tard pour gagner la rive gauche, que nous irons demain, et qu'il doit aller prendre des nouvelles d'un ami gravement malade, rue de la Boétie. Nous ne ferons qu'entrer et sortir. Quand nous arrivons chez le prétendu moribond, un domestique nous annonce que monsieur a pu se lever. Mon frère, rayonnant, change encore son fusil d'épaule et demande à voir son ami. On nous introduit dans une sorte de bibliothèque où nous trouvons le convalescent et une trop nombreuse partie de sa famille. Il y a là une dame à mufle léonin, la femme, un fils qui ressemble à un lionceau, tout roux, tout doré, tout frisé, une mince fille brune, taillée en plein bois et pareille à la célèbre poupée de Jeanneton, et une vieille demoiselle au nez en éteignoir. L'ex-malade, figure fine, dédaigneuse et fouinarde, accueille Julien sans enthousiasme et me toise avec une malveillance évidente. Je l'ai connu dans le temps, ce monsieur Jagre, dont j'ignorais toutefois la famille, entrevu plutôt que connu, et je n'ai pas cherché à me lier avec lui, sa personne confite dans le vinaigre m'étant médiocrement sympathique. Je me suis toujours étonnée de l'affection que lui portait mon frère. Quand Julien lui rappelle qu'il m'a déjà vu, monsieur Jagre semble sur le point de me tendre la main, avec beaucoup de répugnance du reste. Il fait un effort, avance dans ma direction des doigts qui se replient comme des pétales de sensitive, puis, après réflexion, au moment où je vais serrer sans brutalité ses réluctantes phalanges, retire résolument sa dextre et la cache entre deux boutons du plastron fermé d'une redingote élégante et étriquée comme son propriétaire. Sans aucun doute, mon frère, trop lié avec l'exquis malade pour lui cacher un ennui de famille, aura notifié à monsieur Jagre ma villégiature à Vasseteau. Les autres membres de la tribu, également informés de ma déshonorante infortune, me regardent avec des yeux amincis, plus méprisants que pitoyables, contemplent ensuite leur chef de file, et, devant son attitude réprobatrice, se résigne, sans chagrin, à ignorer mon existence. On tâchera d'admettre que je ne suis pas là, bien que, très sûrement, ma présence déplaise et agace. Mon frère, qui n'a pas suivi ces jeux de scène, s'installe dans un fauteuil, se met à causer, à féliciter de son prompt rétablissement ce cordial monsieur Jagre. On continue de m'ignorer. Cependant, voyant que je vais m'asseoir sans y être autorisée, la dame au mufle léonin me désigne un siège, puis détourne la tête avec une sorte d'horreur. Tout en cette famille révèle les mesquins bourgeois à prétention faussement distinguée, assez imitateurs pour avoir acquis une apparence de tenue impressionnante, tout au plus pour un ours de mon espèce, mais trop sot pour remédier aux vices de leur première éducation, qui n'a développé chez eux que la vanité la plus outrecuidante et le plus frénétique mépris pour les gens d'espèce inférieure. Ils sont malades de bon genre, comme ma belle-sœur est malade de comme il faut. Julien a dû attenter à une loi primordiale de l'étiquette acceptée par ses fantoches, en m'amenant dans leur demeure sacro-sainte, car la petite figure de Monsieur Jagre se bosselle de tics mécontents. Sa peau luisante se tend sur ses maxillaires saillants. La courbe de la lèvre supérieure devient convexe. Les pommettes ressemblent à des noix. Le mince nez bombé vise la bouche. La fable valétudinaire mordille furieusement sa moustache effilée et répond aux effusions de mon frère par de légers grognements comme avertisseurs. La dame au mufle léonin, que la nature a gratifiée d'une voix de basse tout à fait analogue à celle des grands fauves, rugit de temps à autre de courtes phrases qui me prouvent que Julien a cessé de plaire. Cette femme, évidemment énergique et ennemie de l'hypocrisie, dédaigne de trop voiler ses allusions. Mon frère, ayant encore insisté sur la surprise agréable qu'il vient d'éprouver, Madame Jagre ne se gêne aucunement pour lui couper la parole. Des surprises de ce genre réjouissent, en effet, mais il y en a qu'il est de mauvais goût de faire à ses connaissances. Elle jette un coup d'œil de mon côté, puis fixe le malheureux Julien, qui est bien forcé de comprendre, et rougit autant que je me sens pâlir. Il y a un peu de colère dans le regard qu'il adresse à la chère femme, mais sa bonne nature reprend immédiatement le dessus. Je suis sûre qu'il se dit « Cette excellente Madame Jagre est si naturelle, si franche, que l'on ne peut lui en vouloir. C'est une originale. Mais peut-être ai-je eu tort d'amener Philippe. » Il ne veut pas quitter la femme de son ami sans avoir adouci son ressentiment. La connaissance lui garde rancune, mais il va tâcher de concilier la mère. « Comme Adèle devient jolie, fait-il effrontément, elle a une mine charmante aujourd'hui. Et quelle gentille fille, si douce et si bien élevée !» La jeune personne trop rectiligne sourit, flattée, mais la matrone ne désarme pas. « Vous la comblez, mais elle est encore bien loin de la perfection. Hélas, à notre époque, une jeune fille a parfois à subir d'étranges voisinages, même dans la maison familiale où elle est exposée à rencontrer toutes sortes de gens. Il faut voir les mines scandalisées et dégoûtées du lionceau, du sieur Jagre, dont le visage chiffonné rappelle exactement, à cette minute, le museau d'un malingre et dédaigneux matou, de la vieille demoiselle au nez en éteignoir. Les regards de toute la Smala convergent vers moi, me somment de sortir, de disparaître. Par affection pour mon frère, déjà prêt à se lever, à faire peut-être un éclat, à se brouiller avec une famille qu'il aime, c'est un goût dépravé, j'ai la lâcheté de vouloir, sinon me gagner les bonnes grâces de cette race ennemie, du moins calmer ses appréhensions au sujet de ce qu'elle doit appeler ma hideuse maladie mentale. Et, prenant mon courage à deux mains, je balbutie, j'annonce cette énormité que je prends, sur le moment, pour une plaisanterie un peu lourde, mais aimable. « Oh, madame, il n'y aurait qu'un bien mince vernis qui s'écaillerait à un simple contact. Je suis sûre que, grâce à une mère comme vous, mademoiselle votre fille en a une couche épaisse et solide. » Je sens que je blêmis. Ah, il faut que l'atroce Moroun ait collaboré à cette jolie phrase. Et de fait, le misérable rit en moi de toutes ses forces. Il est heureux que je sois le seul à percevoir ce rire. Je lis une colère haineuse, méchante, sur tous les visages de Jagres. Le père va m'hypnotiser. Ses prunelles sont devenues comme phosphorescentes. Puis il relève son petit menton à peine dessiné. Un mépris immense dilate ses narines. Il se retourne vers mon frère et lui dit, comme pour bien marquer que je ne suis pas là, que les derniers propos sont nuls et non avenus. Comme vous le faisiez remarquer, monsieur Veli, et la conversation dure encore 5 minutes environ, très froide et très cérémonieuse. Julien fit un mouvement pour se lever, mais madame Jagres ne veut pas qu'il puisse se vanter d'être parti de son plein gré. Son mufle se fronce de rides perpendiculaires et sa voix retentit, caverneuse. « Nous sommes trop dans la pièce. Nous fatiguons mon mari. Je me retire un instant avec les enfants. Au revoir, monsieur Veli. » Tout le monde est déjà debout, sauf le matou convalescent. Oh, ces gens malades de comme il faut. Mon frère a été sur pied avant les autres. Il salue pour prendre congé et les 5 Jagres donnent un petit coup de tête d'automate mal graissé. Il n'est plus question de poignée de main ni d'effusion. Dans la rue, Julien m'administre une tape amicale sur l'épaule et se met à rire. « Je ne te savais pas la dent si dure, une couche épaisse et solide, comme tu y vas. Eh bien, tu as eu 100 fois raison de recaler cette vieille croque-mitaine. Je suis content que le mari soit en voie de guérison. Cela me dispensera de retourner dans ce repaire de félin. Et quand je pense que Jagres a été un gentil garçon, mais il y a si longtemps de cela. » Mon frère a cru que je m'égayais aux dépens de cette famille de fauves. Pourquoi lui avouer la fâcheuse vérité? Mais je sais ce qui m'attend. Désormais, je ne pourrai plus me trouver en face d'amis ou d'indifférents connus sans me figurer qu'ils m'observent, effrayés et hostiles, guettant la crise. Julien entre dans un débit de tabac pour acheter des cigares. Le soin de bien choisir ses faux havanes l'absorbe. Il ne s'occupe plus de moi. Voici l'occasion demandée. Je sors sur la pointe des pieds, prends le pas gymnastique, tourne un coin de rue, elle un fiacre, et 3 quarts d'heure plus tard, je suis à table dans un petit restaurant de la place du Panthéon, voisin de l'hôtel du Périgord, où j'ai résolu de coucher une nuit ou deux. Mon frère ne viendra pas me chercher là. Et demain ou après-demain, au plus tard, après avoir enlevé Irène, de gré ou de force, parfaitement, après une visite chez le banquier et une indispensable tournée d'emplettes en des magasins de la rive gauche, je dirai adieu à Paris, à ses pompes et à ses œuvres, et un train quelconque nous emportera vers un pays encore indéterminé.